Tu jettes le plastique sur le trottoir du caniveau emporté au hasard. De l'égout, voguera vers la rivière, du fleuve retrouvera la mer. Avalé, pas digéré, dans l'estomac du dauphin passant par là qui crèvera sur une plage, loin de toi. Zoom, ciel azur, une créature boit une mixture sensuellement chaude, la température, la montée du mercure, ou même cette mixture ne glacera mon sang. Avalé, pas digéré, dans mon estomac, le soda proposé là qui un jour m'explosera les artères et le corps gras. De devant, mon écran, look indécent, condition pour être séduit et céder à cet instinct de l'instant. Allons voir mon gros rat, allons voir au bout de la terre, allons voir si tous les égouts. Allons voir mon gros rat, tout au bout de la terre, si tous les égouts finissent bien à la mer. Radio, radio bas, élu le roi des rats, le maniaco-dépressif, le radioactif, radioactif. Pollution, solution, finale au rêve de l'évolution. Consommation, solution, finale au rêve de l'évolution. Zoom, la verdure, oxygène, air pur. À plus de 100, roule la voiture. Sans polluant, soi-disant, l'auto du futur. Auto-nettoyante et désoxydante. C'est la pub à la page, ce n'est que le reflet de mon image. Une illusion de passage, juste un mirage. Avalé, pas digéré, sur des kilomètres. De l'air vicié qui me fait tourner la tête. Et un jour me fera ma fête. Chaude la température, la montée du mercure, plus d'oxygène d'air pur pour l'homme du futur. Avalé, pas digéré, sur des kilomètres, de l'air vicié qui me fait tourner la tête et un jour me fera ma fête. Pollution, solution, finale au rêve de l'évolution. Consommation, solution, finale au rêve de l'évolution. Allons voir mon gros rat, allons voir au bout de la terre, allons voir si tous les égouts, allons voir mon gros rat, tout au bout de la terre, si tous les égouts finissent bien à la mer. Radio, radio bas, élu le roi des rats, le maniaco-dépressif, le radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif, radioactif. Thank you.